Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Sans faire toute une montagne reste le meilleur moyen de paniquer, voire de renoncer face à une difficulté. Mais aussi grande soit la montagne, avec un peu de recul, on peut alors apercevoir son sommet et même pourquoi pas s'imaginer devenir ce grimpeur aguerri, prêt à le conquérir. Prendre du recul face aux événements pour les rendre accessibles, un nouveau sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Première question pour aborder ce sujet, qu'est-ce que relativiser, prendre du recul ? Relativiser, prendre du recul signifie simplement s'extraire d'une situation en général préoccupante, s'extraire de la rumination que cette situation peut générer en vous, de jour comme de nuit d'ailleurs, et s'extraire des émotions induites. Alors cela permet dans un premier temps de se mettre au calme pour mieux réfléchir, pour trouver des solutions avec la tête froide, et dans un second temps de pouvoir passer à autre chose et de profiter pleinement, être en pleine conscience, un sujet dont on a déjà parlé ici ensemble, Émilie, profiter d'autres situations de la vie comme de vos loisirs, hein, basiquement, des moments de partage avec vos amis, votre famille ou encore en couple. Donc Stéphane, pourquoi relativiser, prendre du recul ? Prendre du recul permet de se mettre au calme et de faire cesser le bruit, voire le vacarme qui règne dans votre tête lorsque vous êtes en proie à des soucis, et de ne pas prendre de décision pour agir sous le coup de l'émotion trop rapidement, hein, sans réflexion. Alors cela permet de sortir de l'espace problème pour se mettre en mode solution sereinement. Prendre du recul, c'est aussi accepter de ne pas s'inquiéter pour les choses pour lesquelles vous n'avez pas d'emprise, comme par exemple se faire du mouron pour des épisodes plus ou moins heureux du passé, pour lesquels les jeux sont faits, et pour des événements de l'avenir que vous ne maîtrisez pas du tout. Donc, pas de raison de se faire des soucis, restez dans l'instant présent. Et donc, quand tout va mal, Stéphane, de quoi dois-je me rappeler pour relativiser ? Le stress et les problèmes agissent sur vous de façon insidieuse et dans ces cas, vous vous trouvez un petit peu démuni, sans ressources et sans savoir comment vous sortir de cette espèce de spirale infernale car vous êtes submergé par vos émotions. Prendre du recul veut donc dire d'abord s'extraire de ces émotions, en tout cas de leurs effets indésirables, car ils limitent votre capacité de réflexion. Donc, la priorité des priorités est de retrouver ses esprits, c'est-à-dire sa capacité de réflexion en se mettant au calme. Place à la pratique maintenant. Comment relativiser, prendre du recul ? Pour relativiser, prendre du recul, voici 10 pistes que vous pourriez exploiter. En 1, prendre son temps et réfléchir sur une problématique à froid. Jamais sur le coup de l'émotion. En 2, discutez-en avec des personnes les plus neutres et bienveillantes possibles, bien sûr, sans revivre la problématique. En 3, sortez du rôle de l'acteur victime. En 4, observez la problématique comme si c'était celle d'un autre, en mode spectateur critique. En 5, acceptez les choses telles qu'elles sont, sans dramatiser, surtout quand vous ne pouvez plus rien faire. En 6, posez-vous les bonnes questions et vous aurez peut-être les bonnes réponses. Mais c'est facile à dire, pas facile à faire, on est d'accord. En 7, s'extraire des idées négatives, toujours de toute façon. En 8, optez pour la positive attitude, mettez-vous en mode solution et que solution. En 9, apprenez à vous détendre, à vous relaxer, on en a déjà parlé ici ensemble. Et enfin en 10, activez votre pleine conscience en restant concentré sur l'instant présent. C'est l'idée du « ici et maintenant » et « profiter ». Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. Vous le disiez très justement Stéphane, donc si le moindre imprévu vous angoisse et que cela vous fait perdre vos moyens, n'hésitez pas à avoir recours à un coach qui saura vous aider justement à appliquer une méthode et à affronter vos difficultés plus sereinement. C'est ce que vous proposez Stéphane, c'est bien cela ? Oui, bien sûr, encore une fois, on est sur du comportement, de la réflexion et du savoir-être. avec des outils bien sûr adaptés à chacun parce que chacun est particulier, a ses problématiques particulières et a besoin d'une attention particulière. Exactement. Et donc, vous proposez des consultations en privé, que ce soit en face à face si on habite votre région ou encore à distance par exemple visio, WhatsApp, Skype. Vous retrouvez toutes les informations pour rejoindre Stéphane sur son site internet stéphane-le-du-6-maçon.fr, stéphane-maçon.fr également dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez également retrouver Stéphane et tous ses bons conseils sur son compte Instagram stéphane.maçon.coach. Stéphane, un grand merci. Avec plaisir, Amélie. Merci du conseil et on se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. À bientôt. Au revoir à tous, à bientôt.